Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Il y avait également méritance à Dolbo Mistassini à l'École secondaire des Chutes. C'est quand même plusieurs années que ça se déroule et on parle avec celui qui est en charge de l'école du côté de l'éducation physique, la présidente de Mistassini, Jocelyn Gagné. C'est Jocelyn? C'est l'année. Jocelyn, ça fait combien d'éditions? Oh, bonne question. Je pense au moins, de mémoire, pas loin d'une dizaine. Là. OK, puis j'ai vu encore aujourd'hui que ça semble vraiment être apprécié. Pardon? J'ai vu aujourd'hui que ça semble vraiment encore être apprécié par les jeunes. Je pense que oui, parce que c'est on souligne les efforts, les performances, le bon travail, puis on est content. OK. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous désirez vraiment, là, année après année, le faire? Bien, je pense que les jeunes, quand les jeunes t'en donnent, c'est facile d'en donner. Je pense qu'on est bien représenté au niveau de la commission scolaire. On a deux équipes de volleyball féminine, une grosse équipe de badminton, secondaire 1, secondaire 2. On a une équipe de football. Une équipe, on emmène 80 à 90 athlètes en cross-country. On emmène 70 en athlétisme. On est souvent. Les jeunes, on ne tire pas sur les autres. Ils viennent sur une base volontaire, plus ou moins. Même si sport études, je les inscris automatiquement. Cette année, mon secondaire 2, c'est sur une base volontaire en athlétisme. Il y en a seulement 4 sur 28 qui ne sont pas venus, donc 24, c'est un beau succès. Puis on a classé 10 pour remplir le provincial. Bien, on est fiers de ça. Cross country, c'est encore fort à l'école secondaire des Chutes? Pardon? C'est encore fort le cross country? Oui, bien, on en fait parce qu'on travaille pour des saines habitudes de vie. Puis je me sers du cross country pour lui donner le goût de s'entraîner, puis je relève le défi en venant cross country sur une base volontaire. Mon sport études, ils vont parce qu'ils n'entraînent pas. Les autres de l'école, ils vont sur une base volontaire. Puis j'en ai toujours entre 15 et 20 qui viennent sur une base volontaire, puis. En forçant, il en amènerait plus, mais je ne tire pas après aller. Il faut qu'il vienne de lui plein gré pour avoir du plaisir. OK. Si on parlait un peu maintenant de l'année, ça s'est bien passé, les questions des choses du côté du sport? Oui. Je pense qu'on. Ça va sainement. On pourrait faire mieux, mais ça serait difficile. Nos plateaux sont occupés le lundi, le mardi, mercredi, jeudi. Les coachs, c'est difficile à trouver. Cette année, j'avais des bons coachs en badminton, en volleyball. Je pense que vont reconduire, les trois coachs vont revenir, donc ça va être plaisant. Mais on est limité parce que les jeunes restent après 4 heures, ils s'entraînent jusqu'à 6 heures, ils retournent chez eux. Si on ferait, mettons, on doublerait, mettons, l'équipe de volleyball masculin. On irait chercher des gars de hockey qui viendraient là. L'entraînement aurait lieu de 6 heures à 8 heures, c'est moins adéquat. On a du soccer intérieur le soir, donc je pense qu'on est pas mal le maximum qu'on peut faire. Okay. Est-ce que tu as hockey? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que ce serait fun que le hockey arrive dans les écoles ou s'en vienne dans les écoles. Est-ce que ce serait pensable? Toujours envisageable, parce que le hockey, au niveau scolaire, ça va très bien. C'est bien parti. C'est parce que souvent, il faut aussi, le hockey fait partie des journées pédagogiques, donc on a des jeunes. Est-ce que ça fonctionnerait? Ça ne fonctionnerait pas. Il faut avoir une entente avec la ville. Comment ça nous coûterait? Présentement, il faut avoir une entente. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des heures d'aréna ou pas? Et je sais qu'il y a des écoles qui ça va facilement, d'autres, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu ce côté-là. On n'a pas eu de demande des jeunes aussi. Si les jeunes donneraient beaucoup de demandes, peut-être qu'on irait dans ce sens-là. Mais on est à côté, là. C'est d'en faire plus à manier. C'est tout ça, l'éducation physique. On ne peut pas trop partager. On a encore grand déjà. OK. Comment est-ce que tu as ce temps, là? Je termine cette année, puis 2017-2018, après ça, c'est la retraite. OK. Puis t'as-tu hâte ou ça te fait vraiment peur, quelque part? Pas du tout. La retraite ne me fait pas peur. Probablement, on va être bien remplacé. Il y a des bons jeunes qui s'en viennent à l'éducation physique. Mais je vais toujours rester impliqué, pareil, de près ou de loin, que le volet athlétiste, le Club du Mille, les jeunes. Puis j'ai le Club des adultes qui fonctionne toujours bien le soir qu'on participe. Parlons-en du Club du Mille. Je parlais avec quelqu'un, effectivement, il me disait que ça va bien cette année, encore une fois. Ben oui, le club, maintenant, c'est plus Jocelyn qui s'occupe du club. Maintenant, c'est Pierre-Luc Ménard puis Yann Tremblay, avec des fois, avec un petit peu Alex Bussier qui les accompagne. Le club est en mode main. Ils ont une nouvelle structure, un nouveau conseil d'administration. C'est super. On remet, mettons, la partie 2 du Club du Mille, la suite de Jocelyn, pour que le club survive à ma retraite. Ça, c'est important. OK, Jocelyn Gagné, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan.